إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنحمد الله جل وعلا الذي وفقنا لهذا اللقاء فنحمده جل وعلا ونشكره ونسأله الهدى والتقى والعفاف والغنى كما نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعض. فنواصل قراءتنا في مقدمة ابن أبي زيد بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قول الشارح لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. Donc on continue les frères, inshallah, sur notre cours sur la Muqaddima d'Ibn Abi Zayd. Et on s'est arrêté hier sur la parole de Cheikh Al-Fawzan, qui est le commentaire, hein, dans le commentaire, qui est le commentateur. Lorsqu'il a mentionné le hadith du prophète, alayhi salat wa salam, un hadith qu'a rapporté Abu Daoud, le hadith lorsque le prophète s'en dit qu'il y aura dans ma communauté 30 menteurs, kulluhum yaz'um annahu nabi, et ils prétendront tous être des prophètes. Or, je suis le dernier prophète. La nabiya ba'di, il n'y aura pas de prophète après moi. Et ça a été rapporté par Ibn Majah. Et donc hier, on était en train de discuter autour de ce hadith. Et comme ensuite le temps de la prière est arrivé, donc on n'a pas pu bien détailler cela. C'est une question très importante. Donc si vous voulez, on reprend l'explication de ce hadith qui est important, puisqu'il y a de nombreuses fawaïd, il y a beaucoup d'éléments importants à tirer de ce hadith, et surtout des choses qui nous sont rapportées dans l'histoire. Et justement, c'est pas en vain que Cheikh Al-Fawzan a mentionné ce hadith du prophète, alayhi salatu wa salam. Donc on avait dit que le prophète, sallam, dans ce hadith, dit qu'il y aura l'apparition de 30 imposteurs, 30 menteurs, ils prétendront tous être des prophètes. Et ça, c'est le hadith qui est rapporté par Abu Daoud. On a aussi un autre hadith qui est rapporté dans les deux authentiques, dans le Bukhari et Muslim, qui va dans le même sens, fi sahihayn an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala an anna nabi sallam qala la taqum as-sa'a حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله. Et dans un autre récit, le prophète ensemble stipule bien que la taqum sa'a, que l'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'il y ait l'apparition de 30 menteurs, 30 imposteurs qui prétendront être des messagers d'Allah. Et ensuite le prophète ensemble dans ce hadith dit: on a un autre récit aussi qui va dans le même sens, un autre récit qui va dans le même sens. An Thauban, qu'un compagnon Thauban, il rapporte d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit: la taqum as-sa'a hatta talhaq qaba'il min ummati bil mushrikin wa hatta ya'budu al-awthan wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadhabun kulluhum yaz'um annahu nabi وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَ بَعْدِي. Et dans un autre récit, de même le prophète sallam dit que l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que, et là on a un élément supplémentaire, le prophète sallam dit que l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que des qabaïl, des tribus de ma communauté, rejoignent les polythéistes et adorent les idoles. Et viendra dans ma communauté 30 menteurs, imposteurs, tous prétendront être prophètes alors que je suis le dernier des prophètes, la Nabiya Ba'di. Il n'y a pas de prophète après moi. Donc vous avez vu, il y a de nombreux hadiths qui stipulent cela. Donc vous avez vu, entre des hadiths où le nombre, la trentaine, hein, le nombre 30 est stipulé, et d'autres hadiths qui ne stipulent pas forcément le nombre 30. Et si vous regardez dans l'histoire, il y a eu beaucoup, donc beaucoup dans l'histoire, hein, depuis après la mort du prophète, alayhi salat wa salam, jusqu'à notre temps, hein, notre ère, il y a eu beaucoup de gens qui se sont prétendus prophètes et messagers. C'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre ceux qui se sont prétendus prophètes et messagers et qui véritablement ont eu certains disciples et certaines personnes, un petit groupe qui ont cru en eux, et d'autres qui ont pu prétendre à la prophétie, soit par folie, du fait qu'ils aient perdu la raison, soit du fait que de leur caractère par rapport à leur problème, à un problème psychologique ou autre. Donc il faut faire la distinction. Comme c'est rapporté, regardez, à l'époque de Harun Rashid par exemple, c'est rapporté que un homme par exemple s'était prétendu prophète. Il l'a fait entrer, pourquoi est-ce que tu te prétends prophète? Ensuite, après lui avoir donné sa raison, il a vu qu'en réalité cette personne avait perdu la raison. Cette personne n'avait pas toute sa raison. Donc par rapport à son état psychologique, ensuite il l'a laissé partir en se disant que cette personne n'a pas toute sa raison. Jusqu'à ce qu'il ait apparu un homme, de même, qui dit, lorsqu'il fait rentrer, on lui dit, qui es-tu? Il dit, je suis le messager d'Allah. Alors il lui dit, comment t'appelles-tu? Il dit, je m'appelle là. Là. Et le prophète avait averti de ma venue. Il lui dit, Kaif, comment le prophète avertit de ta venue? Il dit, oui, lorsque le prophète a dit, la Nabiya Ba'di. Je suis là. Si vous comprenez en arabe, là, le prophète a dit, là, c'est la négation. La Nabiya Ba'di. Il n'y a pas de prophète après moi. Lui, il a dit, là, c'est moi. Donc il a dit, moi, je m'appelle là. Ça veut dire que si lui s'appelle là, ça fait la Nabi Ba'di. Là est le prophète après moi. Donc ensuite, il a été relâché. Ils ont dit, va-t'en. Allez. Ils l'ont relâché. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que cette personne n'avait pas toute sa raison. C'était à cause de son état psychologique qui a revendiqué ça. Un jour, un homme, regardez même à notre époque, hein, des fois, c'est pour ça qu'il faut faire. Pourquoi on fait cette distinction-là? Parce que ceux, par exemple, c'est par rapport à un état psychologique où ils n'ont pas toute leur raison, il ne faut pas forcément les compter dans les 30. Parce que sinon, vous allez trouver nombreuses personnes qui se sont revendiquées et prétendues prophètes. À notre époque, par exemple, un jour, et ça m'est arrivé à moi personnellement, je priais dans une mosquée, je priais, et après la salat, et un homme est venu. Il s'est assis à côté de moi, il m'a dit salam alaikum, je lui ai dit alaikum salam, et il m'a dit, tu sais qui je suis? Tu sais qui suis-je? Je lui ai dit, non, c'est la première fois que je le voyais, je ne le connaissais pas. Il avait l'apparence d'un frère, et c'est la première fois que je le voyais, et il me dit, sais-tu qui suis-je? Je dis non. Il me dit, je suis Issa alayhi salam, tu dois croire en moi. Voilà, sahih. Donc là, il faut faire la, comprenez, il faut faire la distinction. À l'époque donc du prophète, on a dit ceux qui sont apparus, qui se sont prétendus prophètes, il y avait Musaylamah al-Kadhdhab qui à son époque était célèbre, on avait dit, dans la région de l'Yamama. Donc la région de l'Yamama lui est apparue, c'est Unajd. Et c'est proche de Riyad, la capitale actuelle du royaume d'Arabie. Et lui, il était de cette région. Ça veut dire que on est à plus de 1000 kilomètres de la Mecque, de Mecca. Et lui, il est apparu en cette région, El Yamama. Et on avait raconté l'histoire très brièvement hier, lorsqu'il est venu avec des gens de sa tribu. Et regardez bien, c'est très important, encore une fois, lorsqu'on parle de l'histoire et du contexte, et à quel moment ils sont apparus. Hada Musaylamah al-Kadhdhab, le grand imposteur et le grand menteur, Musaylimah, donc lui est venu de l'Yamama. Et on avait dit, dans une version, certains historiens disent qu'il est venu avec une délégation de sa région, de l'Yamama, avec des hommes qui sont venus pour se convertir à l'islam, et lui ensuite est resté en arrière, il s'occupait de leurs effets, de leurs troupeaux, il s'occupait des chameaux. Ça, c'est dans une variante. Donc eux ensuite sont partis se convertir, et ensuite le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté qu'il leur a dit « Où est celui qui était avec vous ?» Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de faire des cadeaux et des offrandes à ceux qui venaient embrasser l'islam et leur faisaient une offrande. Lorsqu'il leur a fait une offrande, donc ils avaient laissé Musaylimah en arrière qui gardait leur troupeau. Et c'est là qu'on avait dit ensuite il a eu l'éloge. Si vous voulez, c'était la compréhension de Musaylimah dans cette version-là que certains historiens rapportent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit « Rapportez-lui telle chose car ce n'est pas le pire d'entre vous. » Rapportez-lui telle chose, c'est ça l'énoncé qui est rapporté du prophète, rapportez-lui telle chose, car ce n'est pas le pire d'entre vous. Et lui, ensuite, c'est ce n'est pas le pire d'entre vous, qu'il a pris cette parole comme étant une éloge pour lui, et comme étant celui qui était le meilleur d'entre eux. Puisqu'il a dit, si je ne suis pas le pire, ça veut dire que vous êtes pire et mauvais. Donc moi, dans le sens, je ne suis pas le plus mauvais de vous. Ça veut dire que vous êtes mauvais, et moi je suis meilleur d'entre vous. Et lorsqu'il retournera à l'Yamama, c'est pour ça qu'il a, hier, on reprécise bien le fait, c'est pas le prophète qui a dit qu'il était le meilleur, mais c'est lui qui avait compris ça. La tournure qui avait été rapportée, c'est que, il était dit, ce n'est pas le pire d'entre vous. Ça, c'est dans une variante. C'est dans une variante, c'est certains historiens rapportent cette variante-là, ensuite il retournera. Ceux qui s'appuient sur cette histoire-là, donc, eux disent que Musaylimah ne l'a pas vu alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là déjà qu'il dit sa mauvaise attention. Pourquoi? Parce que s'il avait vraiment envie de se convertir et d'embrasser l'islam, donc il aurait une envie, un désir profond de voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il serait parti à sa rencontre, il serait pas resté en arrière à regarder les troupeaux de chameaux. Sauf que, on a une version dans le Bukhari, dans l'authentique, qui est plus authentique, où là, il y a eu une rencontre et un dialogue entre le prophète et Musaylimah al-Kadhdhab. Et déjà, il revendiquait des choses. Déjà, il revendiquait des choses. Donc, à l'inculihal, il y a des récits qui sont rapportés par rapport à cette histoire que vous retrouvez dans Kutub, At-Tarikh ou dans Riwayat, différentes Riwayat. Et on a un récit, justement, un récit dans l'authentique aussi, qui stipule que Musaylimah a rencontré le prophète, alayhi salatu wa salam. Ensuite, les savants ont discuté, est-ce qu'il s'est converti à l'islam vraiment sincèrement, avant de revendiquer qu'il était prophète ou pas. Ça ensuite, c'est une discussion chez les savants. Nous, on va pas s'étendre. Al-Muhim, c'est que lui ensuite, lorsqu'il est revenu à l'Yamama, regardez, c'est là qu'il va revendiquer la prophétie. Tout en prétendant qu'il croit au messager d'Allah. Il renie pas le fait que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager d'Allah. Sauf que lui, il va prétendre que lui aussi, il participe dans la transmission de la révélation avec le prophète, alayhi salatu wa salam, et qu'il est un partenaire. Il est un partenaire. Mais regardez, très important. Ça se passe en quelle année? On a dit, ça se passe dans l'année, Am al-Wufud. Am al-Wufud. Et lorsque vous lisez dans la biographie du prophète, alayhi salam, Am al-Wufud, c'est une année importante. C'est l'année qu'on appelle des délégations. L'année des délégations, c'est lorsque les délégations, plusieurs délégations de grandes tribus de la péninsule arabique, d'Arabie, du désert, vont venir en masse, les affluèrent pour embrasser l'islam, pour rencontrer le prophète, alayhi salatu wa salam. On est en quelle année? Am al-Wufud, c'est en la neuvième année de l'Hijra. Si vous voulez, on est à peu près un an avant la mort du prophète, alayhi salatu wa salam. Qu'est-ce qu'on déduit? Vous allez voir une chose. Comme les historiens nous disent, les savants nous disent, les spécialistes, les biographes, ils nous disent, les premiers qui sont apparus et qui ont revendiqué la prophétie, Musaylimah al-Kadhdhab, il y a Al-Unsi, aussi. Avec lui, lui, Musaylamah al-Kadhdhab qui était à Yamama, et l'Unsi ou l'Anasi, lui qui était au Yémen, qui était plutôt au Yémen. Mais lui, Musaylamah al-Kadhdhab sera plus connu que l'Anasi. Hada. L'Aswad de l'Anasi, celui qu'on avait déjà mentionné hier. Eux sont apparus à la fin, vers la fin de la vie du prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Taïb. Je pose une question. Pourquoi sont-ils apparus à cette époque et pas avant? Pourquoi sont-ils apparus à cette époque et pas avant? Vous savez pourquoi? Et c'est là qu'on voit que ce sont des imposteurs et des menteurs. Pourquoi? On voit que toute la période mécoise où le prophète sallam faisait ad-da'wah et toutes les premières années aussi de la prédication à Médine, la première année, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à six années, personne n'est venu se prétendre prophète et revendiquer la prophétie. C'est pourquoi? Parce qu'au début, c'était très dur. Et vous avez vu tout ce qu'a vécu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme tourment, comme épreuve, comme affliction. Vous avez vu les compagnons, les premiers compagnons à être convertis à l'islam, sont convertis à l'islam, tous les tourments qu'ils ont vécu, les épreuves, les afflictions. Tout cela, surtout qu'au début, l'islam, vous avez vu, était secret. Les gens se convertissaient à l'islam de manière secrète, de peur pour leur vie. Hein. C'était très très difficile. Donc à l'époque, regardez, les premières années à la Mecque, c'est un contexte très difficile. Et celui qui venait et disait, prétendait qu'il était prophète, ça allait pas être facile pour lui. Donc regardez tout ce qu'a enduré, tout ce qu'a subi le prophète, alayhi salatu wa salam, comment il a patienté, il a persévéré, il a propagé le message. Toutes les années à la Mecque, la prophétie du prophète, personne est venu prétendre la prophétie. Et toutes les premières années à Médine, personne n'est venu prétendre à la prophétie. Regardez, ça commence vers la fin. Pourquoi? Regardez bien. Lors de la prospération. Lorsque les musulmans vont prospérer. Lorsqu'il y aura l'expansion. Lorsque les gens vont rentrer en masse dans l'islam. Lorsqu'il y aura un grand amas de butin. Il y aura donc du butin. Et lorsque la soumaa, on va dire, la notoriété du prophète sallallahu alayhi wa sallam va se propager dans toute la péninsule arabique et dans toutes ces contrées-là. Donc il y avait les tribus arabes. Donc c'est à ce moment-là qu'on voit que apparaît Musaylamah al-Kadhdhab, Musaylamah. Quand est-ce qu'ils apparaissent? Qu'est-ce qu'on comprend? Lorsque, il y a prospération, lorsque ça commence à prospérer, l'islam s'est répandu, alors il y a des biens, du butin, des terres, des conquêtes. Donc, au moment où la personne va prétendre cela, alors on voit que c'est Ashab al-Dunya. C'est les gens qui ont un but mondain. C'est les gens qui ont des intérêts mondains. Vous avez vu? Pourquoi ils ne sont pas apparus avant? Parce qu'avant c'était dur. Et avant, ils allaient risquer leur vie. Comprenez? Mais lorsqu'ils ont vu que ça prospérait, ça commençait à se propager, alors là, les gens qui aimaient et qui voulaient, qu'ils avaient un désir ardent pour l'obtention des biens de cette vie d'ici-bas, alors c'est là qu'ils ont commencé à prétendre être dunya. Et on le voit dans le message de Musaylamah al-Kadhdhab. On le voit, qu'est-ce qu'il dit? Regardez, qu'est-ce qu'il veut? Il dit, lorsqu'il va revendiquer la prophétie, il va envoyer donc le message au prophète, alayhi salatu wa salam, en disant de Musaylamah, le messager d'Allah, à Mohammed, messager d'Allah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'appellera Musaylamah al-Kadhdhab, l'imposteur. Mais regardez. Qu'est-ce qu'il va demander? Le règne sur la moitié de la terre. Il va demander la moitié de la terre. Comme on avait expliqué hier. Donc, une partie, il disait pour toi, Mohammed, et l'autre partie, pour moi. On voit bien que c'est quoi sa prétention, sa revendication, qu'est-ce qu'il revendique, qu'est-ce qu'il veut? Al-Ard. Regardez la réponse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De l'élu, le vrai messager. Qu'est-ce qu'il dit? La terre appartient à Allah. Regardez. Ici, vous n'avez pas l'histoire de deux êtres qui vont se disputer quelque chose. Le prophète n'a pas disputé la terre. C'est pas disputé avec lui sur ses objectifs, cette vie d'ici-bas. Tout ça est faux. Il faut le méditer, il faut l'observer, il faut que ça rentre dans les cœurs. Regardez, le prophète sallam n'a pas, s'est pas disputé avec lui sur des objectifs, ça veut dire d'ici-bas, sur pourquoi toi tu revendiques l'autre moitié de la terre, c'est à moi tout. Là, il n'y a pas eu de dispute hein, à ce niveau-là. Lorsque Moussa il a mis le kadhab, al-khabith, alors, il a revendiqué la moitié de la terre, le prophète sallam n'a pas revendiqué une partie de la terre. Le prophète sallam a dit, Inna al-arda lillah. Certes, la terre appartient à Allah. C'est ni à toi ni à moi. Yurithuha man yasha min ibadi. Et Allah la donne à qui il veut, l'octroie à qui il veut, il a fait hériter à qui il veut de ses serviteurs. Wala aqibatu lil muttaqin. Vous avez cette réponse immense hein, du prophète alayhi salatu wassalam. Et là, ça prouve, c'est encore des signes de la prophétie du prophète. Alayhi salatu wa salam. Et encore parmi les signes. Donc ça c'est premier point. Vous avez vu à quel moment ils apparaissent? Est-ce que vous avez entendu pendant la période mécoise des imposteurs sont apparus en revendiquant, en disputant la prophétie là? Ils viennent plus tard. On voit donc c'est ashab dunya. Vous avez vu hein, lorsque la personne il aime la dunya, il veut de cette dunya, il a un désir hein, profond hein, et ardent pour cette dunya, regardez jusqu'à où ils vont. Et deuxième point. Ensuite, on avait dit, c'est à l'époque de Abu Bakr. À l'époque de Abu Bakr, regardez, c'était une grande responsabilité pour Abu Bakr. Vous avez vu, lorsqu'ensuite il a succédé au prophète Abu Bakr, eh ben, il a eu plusieurs affaires à régler, qui étaient face à lui. L'affaire de ceux qui ne voulaient plus donner az-zakat, l'affaire de ceux qui étaient tombés dans Ridda, l'affaire de Musaylamah al-Kadhdhab qui revendiquait la prophétie et autres. Donc Abu Bakr, premier calife, était confronté à de nombreux problèmes. Et on voit qu'il les a affrontés comme il le fallait. Et on voit qu'Allah Jalla wa'ala lui a donné eh ben, le succès dans cela et Abu Bakr et les croyants ont triomphé. Taïb, regardez le deuxième point. Qu'est devenu Musaylamah al-Kadhdhab? Qu'est-il devenu? Est-ce qu'ensuite il a été connu? Est-ce qu'ensuite il a été suivi? Est-ce que ça a fait une religion? Là, Musaylamah al-Kadhdhab, il a sombré dans les abîmes de l'oubli. Est-ce que vous connaissez une personne qu'il connaît aujourd'hui en étant son disciple? Ou partisan de la religion de Musaylamah al-Kadhdhab? Là, les gens ne le connaissent même pas. La majorité, si on ne parlait pas de cela, la majorité ne connaissent pas Musaylamah al-Kadhdhab. Et peut-être, certains d'entre vous, c'est la première fois que vous entendez parler de ce nom-là. Regardez la différence avec le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Ni n'a revendiqué le règne sur la terre, ni il n'a réclamé le pouvoir sur les autres. Le prophète, alayhi salam, est venu avec le message. Il a transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce message, alors que le prophète, alayhi salam, était seul à la Mecque, son message s'est propagé dans le monde entier. Ah, dit ça, c'est des signes de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça s'est propagé dans le monde entier. Et près de 15 siècles après le message du prophète, alayhi salatu wassalam, le nombre des musulmans ne cesse de s'accroître. Aina Musaylamah al-Kadhdhab? Où est Musaylam? Où sont ses partisans? Khalas. Intaha amruhu. Son affaire est finie à lui. Vous avez vu les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala? Aucun partisan à présent. Il a sombré dans les abîmes de l'oubli. Comme Al-Unsi, Aswad Al-Unsi, cet autre homme au Yémen qui a revendiqué aussi une partie, à une période, la prophétie aussi. Cet homme, les gens ne le connaissent même pas. Wadih al-Kalam, vous comprenez? Et parmi les choses, les anecdotes que certains historiens rapportent, ils disent... Musaylamah al-Kadhdhab, il voulait copier le prophète, sallam. Il voulait faire comme le prophète, sallam. Un jour, il est rapporté que les gens savaient que le prophète, sallam, avait une baraka. Il avait une bénédiction. Il est rapporté que le prophète, sallam, lorsqu'il touchait la tête, la chevelure des jeunes garçons, il touchait les jeunes garçons, et bien, il y avait une baraka qu'ensuite les jeunes garçons avaient une belle chevelure. Ils avaient une belle chevelure. Et ça, c'est Allah donne la baraka à qui il veut. Il l'a donné au prophète, alayhi salat wa salam. Et les récits sont nombreux, dénotant la baraka, la bénédiction qu'avait le prophète, alayhi salam. Il est rapporté un jour que Moussa ibn al-Kadhab, il voulait faire la même chose. Il voulait copier le prophète, alayhi salam. Un jour, il vit des jeunes garçons, et il mit sa main sur la tête, la chevelure de ces jeunes garçons, et ils disent qu'ensuite, ils sont devenus chauves. Les jeunes garçons. Et certains savants, lorsqu'ils racontent cette histoire, ils disent, hada ihanat li haula. Ça, c'est pour faire montrer l'affaire de ces imposteurs et de ces menteurs. Allah, Jalla wa Ala, parfois, décrète de telles choses pour faire montrer, l'affaire méprisable de ces imposteurs et de ces menteurs. Il est rapporté aussi, lorsqu'on a parlé de cette femme aussi, on avait parlé de cette femme, Sajah. Sajah aussi, qui avait prétendu être prophétesse. Être prophétesse, on avait dit hier, ensuite elle s'est mariée avec Moussa ibn al-Kadhab. Son peuple à elle, Banu Sarlab, eux qui avaient suivi Sajah, alors eux ils se disaient, mais tous les peuples ont des prophètes hommes, pourquoi nous on a une prophétesse? Une prophète femme. Donc déjà, ils avaient quelque chose en eux-mêmes. Son clan et son peuple, déjà en eux-mêmes, ils avaient quelque chose. Mais un jour, lorsqu'elle se maria avec Moussa ibn al-Kadhab, alors ensuite elle s'est mariée avec lui, et lorsqu'elle est sortie et revenue vers son peuple, elle les a informés de ce mariage, de cette union, et elle leur a dit je me suis mariée avec Moussa ibn al-Kadhab, donc il y a tout un contexte, hein. C'est un contexte en plus politique à l'époque, pourquoi elle s'est mariée avec lui, et c'est là qu'ils lui diront, mais c'était quoi ta dot? C'était quoi la dot? Et de là, sachez que lorsqu'ils se sont mariés, il n'y avait pas de wali, il n'y avait pas de tuteur, il n'y avait pas de témoin. Il y avait l'âge, Moussa ibn al-Kadhab, il s'est marié avec Sajah. Alors, le faux prophète et la fausse prophétesse, alors ils se sont mariés, il n'y a aucune condition. Hein. Il n'y a pas de tuteur, il n'y a pas de wali, il n'y a pas de shuhud, il n'y a pas... Walou, l'âge. Mais... Alors, lorsqu'elle était avec son peuple, ils lui ont dit, mais c'était quoi ta dot? Et là, elle a réfléchi, il n'y avait pas de dot. Donc, elle retourna vers Moussa ibn al-Kadhab, elle retourne et elle lui dit, mon peuple m'a dit, concernant la dot, il n'y a pas de dot. Alors, Moussa ibn al-Kadhab a réfléchi, c'est certains historiens qui rapportent cette anecdote, il réfléchit comme ça et dit, est-ce que ton peuple accepterait si je leur retire deux prières? Salat al-Fajr wa Salat al-Asr. Parce qu'il est dit que, comme on avait dit, Sajah, alors leur avait permis des choses. Elle avait fait un mélange, dont on avait dit, de christianisme, puisqu'à la base, elle était chrétienne. Donc, elle leur avait permis, par exemple, de boire le vin. Elle leur a permis la consommation du vin. Et aussi, elle leur avait permis, par exemple, la consommation de la viande de porc. Elle leur a permis cela. Par contre, elle leur avait institué les cinq prières. Ils avaient les cinq prières. Donc, Moussa ibn al-Kadhab, sa dot, il dit, est-ce que ton peuple accepterait que je leur retire deux prières? C'est-à-dire, maintenant, ils vont prier que trois prières. Alors, il leur a retiré, la dot, c'était qu'il leur retire Salat al-Fajr ou Salat al-Asr. Ajib. Ajib al-Qawb. Et comme cela, vous voyez des imposteurs qui se sont propagés. Il y a quelque chose de Ajib aussi. Il y a un récit qui est rapporté. Un jour, Abu Huraira rapporte, il dit, on était en compagnie du prophète, alayhi salat wa salam. On était quelques hommes, et on était autour du prophète, alayhi salam. Et parmi nous, il y avait parmi ses compagnons, des gens qui apprenaient le Coran ou autre. Et un jour, Abu Huraira dit le prophète, alayhi salam, alors qu'il s'adressait à nous, il dit, inna fikum la rajula. Parmi vous, il y a un homme, darsuhu finnar a'azam min uhud. Et le prophète, si vous voulez, en traduction générale, en gros, le prophète, sallam, si vous voulez, il y avait ces hommes autour de lui, il a averti que l'un d'entre eux, il l'a informé que l'un d'entre eux était voué en enfer. Était voué en enfer. Tous étaient croyants. Tous étaient autour du prophète en tant que croyants. Plus tard, Abu Huraira dira, il ne restait que deux hommes parmi ces gens qui étaient autour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vivants. Il restait que moi, il restait cet homme. Certains disaient que c'était Rajjal qui s'appelait, Wallahu a'lam. Et il disait, arrivé un temps, il restait que moi de vivant et cet homme-là, Rajjal. Et Abu Huraira avait peur qu'il fasse partie de cet homme. Il s'est souvenu de cela que parmi eux, il y avait un homme, en fait, avait averti de l'enfer. Donc il a eu peur. Jusqu'à ce qu'il vit que cet homme, Rajjal, avait été envoyé, justement, à Musaylamah al-Kadhdhab, vers l'Yamama, pour qu'il prêche. Mais lorsque cet homme, Rajjal, est arrivé à l'Yamama pour qu'il prêche, Irtad, il a apostasié et a suivi Musaylamah al-Kadhdhab. Et de là, Abu Huraira a su que l'homme parmi eux, dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sous-entendait, était cet homme-là. Et qui a succombé à la fitna de Musaylamah al-Kadhdhab. Et comme ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a de nombreuses prophéties. Regardez, lorsque un jour un compagnon rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit que l'un de ses deux petits-fils, le Hassan ou le Hussein, il avait dit que le Hassan, serait la cause de la réconciliation entre deux grandes fractions parmi les musulmans. Et un compagnon avait entendu cela du prophète, alayhi salat wa salam. Et bien plus tard, ça va se produire en 41 de l'Hégire. En 41 de l'Hégire, lorsque une grande fraction parmi les musulmans, eux, vont porter allégeance à Muawiyah pour le califat, après Ali ibn Abi Talib, une autre fraction de musulmans, eux, vont plutôt porter allégeance à Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib. Ils vont porter allégeance à Al-Hassan, puisque eux vont considérer que celui qui est plus en droit au califat, c'est Al-Hassan, puisqu'il est le fils de Ali ibn Abi Talib, le précédent calife, et aussi du fait qu'il est le petit-fils du prophète, alayhi salat wa salam. Mais d'autres, eux, vont plutôt, porter allégeance à Muawiyah, du fait que Muawiyah fait partie des proches de Uthman ibn Affan, qui était le troisième calife de l'islam, et il n'y a pas eu le prix du sang. Donc de ce fait, deux grandes fractions vont apparaître. Une qui porte allégeance à Muawiyah, et l'autre qui porte allégeance à Al-Hassan ibn Ali. Et lorsque compagnon va se rendre chez Al-Hassan ibn Ali, il va lui dire, j'ai entendu un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que peut-être que par ton biais, il y aura la réconciliation entre deux grandes fractions parmi les musulmans. Al-Hassan ibn Ali va se désister et délaisser, yani tanazal an al-khilafa. Et il va délaisser le califat. Il va délaisser le califat. Et de là, celui qui va devenir le calife, ça sera Muawiyah. Et les musulmans vont vivre plus de 20 années dans la sécurité, dans la prospération, dans le bien. Tarta shari'atillahi jalla wa'ala. Ça s'est produit en 41 de l'Hégire. Regardez un jour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il s'adressait à ses épouses, il a dit, Qui est celle d'entre vous qui se fera aboyer par les chiens? Qui est celle d'entre vous qui se fera aboyer par les chiens? Et plus tard, subhanallah, ça va se produire plus tard et ça sera Aïcha, radiallahu ta'ala anha. C'est Aïcha un jour, en voyage, la nuit, elle se fera aboyer par les chiens. Et elle se souviendra du hadith du prophète quand le prophète, alors qu'il était avec ses épouses, a dit « Qui est celle d'entre vous qui se fera aboyer par les chiens ?» Et de là, elle rebroussera chemin. Et donc, on a su plus tard que ce fut Aïcha qui fut aboyée par les chiens. Taïb. Al-Muhim, donc comme on a dit, et même dans un hadith, par rapport à l'apparition de la prétention, l'apparition de certains qui vont se prétendre prophètes, on a un hadith aussi, rapporté par Abu Huraira, que Abu Huraira, il dit qu'un jour le prophète, ça m'a dit, alors qu'il dormait, il a vu en songe, dans son rêve, qu'autour de sa main, il y avait deux bracelets. Il avait deux bracelets autour de sa main. Et ensuite, dans son songe, dans son rêve, il avait reçu une révélation de souffler sur ces bracelets-là, sur ces bracelets. Et lorsqu'il soufflait, ensuite, ces bracelets s'envolèrent. Ces bracelets s'envolèrent. Et le prophète, sincèrement, ensuite, il a interprété le songe comme étant ces deux bracelets, comme étant Musaylamah al-Kadhdhab et Al-Unsi, Al-Aswad Al-Unsi, qui prétendront la prophétie, les deux imposteurs, qui prétendront la prophétie. On a même un hadith. On a même un récit où le prophète, alayhi salatu wassalam, a même prétendu, et ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, que parmi ces imposteurs qui prétendront la prophétie, il y aura quatre femmes. Il y aura quatre femmes. Comme c'est rapporté par Rawa l'imam Ahmed an Hudayfata radiallahu ta'ala an, anna nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a qal, fi ummati kadhabuna wa dajjaluna sab'a wa ishruna minhum arba niswa. Wa inni khataman nabiyin la nabiya ba'di. Et dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam stipule que viendront justement des dajjaloun, des menteurs, des imposteurs, et parmi eux, il y aura quatre femmes. Parmi eux, il y aura quatre femmes. Wa inni khataman nabiyin, mais moi je suis le dernier des prophètes, la nabiya ba'di. Et là, on se rend compte de la prophétie du prophète aussi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y aura pas de prophète après moi. On voit qu'après l'envoi du prophète, alayhi salat wa salam, les musulmans, walillah ilham, sont restés sur le message du prophète, alayhi salat wa salam. Et malgré que de nombreux imposteurs, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, le prophète parle d'une trentaine d'imposteurs, malgré ces imposteurs qui viendront et prétendront la prophétie, mais ça n'aura pas d'impact. Certains auront des partisans, mais ça n'aura pas réellement d'impact. Regardez par exemple, et c'est venu en tout temps, regardez par exemple l'époque de Ad-Dawla al-Murabitin, l'époque de Youssef ibn Tashfin. Beaucoup disent que Youssef ibn Tashfin, c'est le fondateur de Marrakech, de la ville de Marrakech, et il est le fondateur avec Abu Bakr al-Mtouni ou Abdallah ibn Yassin, comme on avait déjà parlé de cela, le fondateur de cet état qui s'appelait le Murabitin. Al-Murabitin, c'est à l'époque de Tariq al-Andalus, c'est à l'époque de l'Andalousie, lorsque elle était musulmane. Regardez un moment, lorsque Al-Namtouni va descendre en Afrique, et c'est là qu'ils vont faire une darwa en Afrique, et beaucoup de pays, d'états africains, qui sont les actuels, hein, beaucoup de gens d'Afrique, de contrées africaines, vont embrasser l'islam à cette époque. Lui, Youssef ibn Tashfin, à un moment, il va monter vers le nord de l'Afrique, c'est-à-dire le Maghreb actuel. Le Maghreb actuel, englobant la Tunisie actuelle, l'Algérie et le Maroc actuel. Ils disent à son époque, Youssef ibn Tashfin, lorsqu'il monte vers le Maghreb et il observe un peu la situation, les gens se disent musulmans à l'époque, hein, se disent musulmans, puisque les gens ont déjà embrassé l'islam et l'islam s'est déjà propagé dans le Nord-Afrique. Depuis Aqba ibn Nafir. Depuis Aqba ibn Nafir. Et plus tard, sauf qu'après Aqba ibn Nafir, il y aura une période d'apostasie dans le Nord-Afrique. Plus tard, il y aura la revenue, et d'une manière plus solide, de l'islam en Nord-Afrique avec Moussa ibn Nusayr. Moussa ibn Nusayr. Et de ce fait, ensuite, lorsqu'il va être le commandant de Tariq ibn Ziyad, ensuite il y aura l'entrée ici en Andalousie. Al-Muhim, plus tard, Youssef ibn Tashfin, lorsqu'il va vers le Nord-Afrique, comme on a dit le Maghreb actuel, il se rend compte de quoi ? Que les gens sont dans l'obscurantisme, l'ignorance la plus totale. L'ignorance la plus totale. Et pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'il se rend compte qu'il y a même des gens à l'époque qui se disaient prophètes. Et que les gens suivaient, et leur ont même instauré d'autres législations. D'autres législations. Et par exemple, que le cadavre du poisson était haram, était interdit, et autres législations. Donc vous avez vu ? En tout temps, il y a des gens qui se sont prétendus et revendiqués prophètes. Lakin, la Nabiya, mais il n'y a aucun prophète védé après le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Comme par exemple, beaucoup de gens plus tard aussi sont venus et revendiqués être le Mahdi. Être le Mahdi. Regardez, lorsqu'on avait parlé de Ibn Tumert, lui plus tard, Ibn Tumert va se revendiquer comme étant lui-même le Mahdi. Et plein d'autres vont se revendiquer et prétendre qu'ils sont Al-Mahdi, Al-Muntazar. Le Mahdi tant attendu. Donc hier, on avait parlé de certains ensuite qui sont apparus aussi plus tard. On ne va pas les reciter. Vous pouvez revenir au cours d'hier. Hier, on a cité des exemples de certains qui sont apparus, comme on avait mentionné cette prophétesse Soujah, lorsqu'elle a prétendu An-Nubuwa, mais ensuite elle s'est convertie à l'islam. On avait parlé de Tulayha ibn Khuwaylid al-Asadi, qui ensuite aussi s'est repenti et embrassé l'islam et devenu un bon musulman. On avait parlé de Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid al-Thaqafi aussi, qui est mort, ou qui a prétendu cela, hein, qui a prétendu plutôt être prophète à l'époque de Abdallah ibn Zubayr. Abdallah ibn Zubayr, on a dit qu'il a été tué à l'époque de Al-Hajjaj ibn Yusuf, comme on avait mentionné hier. On avait parlé aussi de d'autres. Jusqu'à on avait parlé d'un contemporain qui était Ahmed. Ahsan al-Qadiani. Ahmed al-Qadiani, qui est un contemporain. Et le Mouhim, qui est un contemporain, hein. Et le Mouhim, l'important, pourquoi l'auteur maintenant a mentionné cela? Pourquoi, à votre avis, Ibn Abi Zayd a mentionné cette question très importante? Lorsqu'il dit, ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Pourquoi l'auteur le stipule bien ça? Dans sa risala. Que Allah Jalla wa Ala a parachevé à compléter le message avec l'envoi du prophète Mohammed sallam et qu'il est le dernier des prophètes et des messagers. Pourquoi l'auteur stipule bien cela? Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que hada as min usuli ahli sunnati. As min usuli atiqadi ahli sunnati wal jama'a. Parce que ça fait partie des fondements essentiels dans la croyance des gens de la sunna, de croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, la nabiya ba'di, ou ba'da, la nabiya ba'dahu, qu'il n'y aura pas d'autres prophètes après lui. Ça fait partie des usul et atiqadi ahli sunnati wal jama'a. C'est pour cela que alladhina yukhalifuna hada al-asr faqad kharaju min al-islam wa qad kafaru. C'est pour cela que juste avant Cheikh Al-Fawzan, lorsqu'il dit que certains ont suivi Ahmed Al-Qadiani, qui est apparu dans ce village d'Inde qu'on appelle Qadian, lorsque ces gens l'ont suivi, alors que lui se disait musulman, attention, hein. Cet homme se dit musulman et suit la charia de Mohammed. Sauf qu'on avait dit, lorsqu'il a atteint la cinquantaine d'années, il a commencé à prétendre qu'il recevait une révélation. Et des gens ensuite ont commencé à le suivre, il a commencé à avoir des disciples et donc des partisans. Et de ce fait, فقال الشيخ لما ظهر هذا الرجل ولذلك لما ادعى النبوة أحمد القادياني في هذا الزمان حكم المسلمون عليه بالإجماع أنه كافر. Les musulmans, et de manière générale, il y a eu un consensus chez les savants musulmans qu'ils ont jugé que هذا فقد كفر. فقد كفر a été excommunié de l'islam, de même pour ses disciples. Pourquoi? Parce qu'ils ont contredit un principe essentiel, que après le prophète, il n'y a plus de prophète. C'est le sceau de la prophétie. Taïb. Et donc on va continuer. ثم قال الشيخ وليست الخليقة بحاجة إلى نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلى ولا إلى كتاب بعد القرآن. Et pourquoi? Parce que les gens n'ont plus besoin de prophète après l'envoi du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. Il nous reste juste à suivre le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام et à se conformer à sa sunna et à sa tradition. Mais après l'envoi du prophète sallam, Allah Jalla wa Ala a parachevé ar-risala. Ar-risala, le message a été parachevé et il n'y a plus besoin d'envoyer d'autres prophètes. Et cela est la qiyam as-sa'a. Donc jusqu'à la fin des temps, il n'y a plus de nabi après le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et de même, Cheikh nous dit, il n'y a pas besoin aussi d'envoyer un nouveau livre. Allah Jalla wa Ala a révélé le dernier livre qui est Al-Qur'an, qui est le Coran, et yasruh ila akhir az-zaman, ila qiyam as-sa'a. Et les gens doivent se conformer au commandement du Coran jusqu'à qiyam as-sa'a, jusqu'à la fin de l'heure, il n'y aura pas d'envoi d'un nouveau livre. Wa regardez ce que nous dit Cheikh ensuite, wa min usul al-aqidati i'tiqadi anna ar-rasul khatam an-nabiyyin. ومن أصول العقيدة اعتقاد أن الرسول خاتم النبيين وأن من ادعى النبوة بعده فهو كافر وكذاب. هذا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فثم قال ensuite il dit فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا. ما معنى بشيرا؟ لأهل الخير ونذيرا لأهل الشر. Et les prophètes viennent avec une caractéristique, ils sont annonciateurs d'une bonne nouvelle. Ils annoncent une bonne nouvelle pour les gens du bien. Et ils avertissent d'un châtiment prochain pour les gens du mal. Et lorsque l'auteur ensuite dit, da'yan ila Allah bi'izni. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était envoyé pour appeler, prêcher ila Allah bi'izni, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire il appelle à quoi? À la législation d'Allah, wa ila dinihi, et à sa religion, wa ila tawhidi, et au monothéisme pur. Sirajan. Regardez. Sirajan. Il est envoyé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et décrit, qualifié comme étant Sirajan. Ma ma'na Sirajan. Yukhrijullahu jalla wa ala bihi min al-zulumat ila al-nur. C'est-à-dire, par le biais du prophète, alayhi salatu wa sallam, Allah va faire sortir des gens de l'obscurantisme vers la lumière. C'est-à-dire, des ténèbres, il va sortir des gens des ténèbres vers la lumière. Regardez, à l'époque, il faut lire à l'époque, hein, l'époque des polythéistes et le temps de Al-Jahiliya, cette époque qu'on appelle l'époque anti-islamique. Lisez à l'époque dans quelles ténèbres vivaient à l'époque les polythéistes. Regardez, ils étaient rabaissés à adorer des idoles qui ne pouvaient ni parler, ni les secourir, ni les assister. Ces idoles ne pouvaient même pas se défendre elles-mêmes. Regardez, et eux, ils étaient rabaissés à adorer des idoles, des statues qui ne pouvaient même pas parler et se défendre elles-mêmes. Regardez par exemple la position de la femme dans cette société. La femme, elle était délaissée. C'est pour cela que ceux qui ont la connaissance réelle du Coran, vous pouvez voir que dans le Coran, il y a de nombreux passages, de nombreux versets qui nous montrent ici le rang exceptionnel et le haut rang qu'a la femme. Et ceux qui ne savent pas en réalité, ce sont des ignorants. Ceux qui ignorent en réalité le Coran, qui ignorent l'exégèse, hein, et qui n'ont pas de compréhension des versets réels du Coran, eh ben, n'arrivent pas à percevoir cette chose-là. Regardez, à l'époque, par exemple, à l'époque de l'Jahiliya, les hommes pouvaient divorcer la femme autant de fois qu'ils le voulaient. Autant de fois qu'ils le voulaient, ils pouvaient divorcer la femme. Certains la divorçaient 80, 90 fois. Presque une centaine de fois, ils pouvaient divorcer la femme autant qu'ils le voulaient. Elle n'avait pas de, si vous voulez, tellement qu'elle n'était pas précieuse à leurs yeux, elle n'avait pas de cette valeur que va lui donner ensuite l'islam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir leur prêcher cet islam-là. Alors, ils pouvaient divorcer les femmes d'un nombre qu'ils le voulaient et les laisser en suspens et autres. Et l'islam est venu interdire cela. C'est pour cela qu'ensuite qu'il y a eu le nombre 4. Et de nombreuses choses, si vous regardez, alors que les polythéistes enterraient leurs filles vivantes, vous avez vu les ténèbres que c'était, l'obscurantisme. Les polythéistes, lorsqu'ils avaient une fille, pour eux c'était mauvais augure, pour eux c'était mal vu, pour eux c'était pas la fierté qu'ils attendaient, ils voulaient des garçons. Alors certains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient leurs filles et les enterraient vivantes, des filles qui étaient enterrées vivantes. L'islam est venu interdire cela. L'islam a interdit cela. Alors, lisez ces ténèbres que vivaient, hein, à l'époque les polythéistes, à l'époque, et vous allez voir que Allah Jalla wa Ala les a sortis par le biais du prophète sallam min al-dhulumat ila an-nur. Des ténèbres de l'adoration de autre qu'Allah vers la lumière de l'adoration du Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on dit sirajan wa munira lil-kawn بالنور والإيمان والهداية والوحي. Et c'est pour cela que si vous regardez dans le Coran, on voit que Allah Jalla wa Ala nous a conté et narré l'histoire de certains prophètes. Mais tous les prophètes ne sont pas mentionnés dans le Coran. Allah Jalla wa Ala n'a pas raconté l'histoire de tous les prophètes dans le Coran. On voit que Allah Jalla wa Ala a raconté l'histoire de certains prophètes. Et on a eu la mention de certains noms, c'est-à-dire qu'avaient certains prophètes et messagers, mais Allah Jalla wa Ala nous a pas raconté l'histoire de tous les prophètes et messagers qui ont été envoyés sur terre. Et Allah nous dit dans un verset, laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Et Allah dit qu'il a envoyé un prophète à chaque nation pour les appeler à l'adoration d'Allah et à s'écarter de l'adoration du taghut, traduction relative du verset. Donc vous avez, chaque nation a reçu un prophète et un messager. Sauf que dans le Coran, on trouve la mention de 25 prophètes. Dans le Coran, on trouve la mention de 25 prophètes. Qu'est-ce qui fait l'azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمد الوسادة Donc, pour terminer, comme on a dit, donc, Allah Jalla wa'ala a envoyé des prophètes et des messagers à chaque nation. Comme Allah Jalla wa'ala a dit, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Et certains savants, comme le stipule Sheikh Abdul Mosel Abbad, dans son commentaire du même livre hein, de Muqaddimat ibn Abi Zayd, il dit, donc, Rasulullah Azza wa Jal minhum man qassahum alayna fi al-Qur'an. C'est-à-dire que parmi des messagers, il y a donc des messagers dont l'histoire a été racontée et narrée dans le Coran, et d'autres non. Et on a dit, c'est pour cela que si vous observez dans le Coran, vous allez trouver par exemple que 25 prophètes sont mentionnés, et il y a dans Surat al-An'am 18. On a dans Surat al-An'am, fi Surat al-An'am, 18, minhum fi qawlihi ta'ala, wa tilka hujjatuna, أتيناها إبراهيم على قومه. Donc إبراهيم. وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه. فذكر إبراهيم. ثم نرفع درجات من نشاء. إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب. إسحاق ويعقوب. كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب. ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ف je vais pas le traduire. Vous avez entendu les noms des prophètes en arabe. Vous avez vu, tous ces noms des prophètes en arabe, on voit déjà qu'il y en a 18 qui sont mentionnés justement dans le verset dans Surat al-An'am qu'on vient de mentionner. Dans ces versets-là de la Surat al-An'am, donc on a 18 qui sont mentionnés. Les autres qui ne sont pas mentionnés dans le verset, il y a par exemple Al-Baqoun, Muhammad, wa Adam, wa Hud, wa Shu'aib, wa Salih, wa Dhukifl, wa Idris. C'est pour ça que certains savants, regardez, ils disent que ceux qui sont mentionnés dans le Coran, c'est comme on a mentionné précédemment. Donc, al-wajib alayna, donc ce qui est obligatoire pour nous, c'est l'iman. Al-imanu bihim. Al-wajib huwa al-imanu bil-rusul wal-anbiya jami'an. Man qussa wa man lam yuqass. Wa man kazzab wahidan minhum. فقد كذب جميعهم Donc l'obligation pour nous, ce qui nous incombe à nous, c'est de croire en tous les prophètes et les messagers. De croire en tous les prophètes et les messagers. C'est pour cela que les savants ont dit, ils nous expliquent que le fait de mécroire à un seul prophète, ou un seul messager, c'est mécroire en tous les prophètes et les messagers. C'est mécroire en tous les prophètes et les messagers. Et la preuve à cela, on a dans le Coran une preuve, mais il faut méditer. Il faut bien observer les versets pour déduire cela. Les savants ont regardé leur profonde et minutieuse observation dans les versets. Lorsqu'Allah Jalla wa Ala a dit « Kadhabat qawm Nuh al-mursalin » Al-mursalin. Regardez, Allah nous dit que le peuple de Nuh ont démenti les prophètes, ou plutôt les envoyés. Ont démenti les envoyés. Donc Allah Jalla wa Ala nous parle du peuple de Nuh, alayhi salam, كذبت قوم نوح المرسلين. Mais lorsqu'il a cité les envoyés, ils ont démenti les envoyés, il a cité au pluriel. C'est-à-dire que les savants ont déduit que leur démenti de Nuh, le simple fait qu'ils ont démenti, le simple fait c'est quelque chose de grave, hein, mais non, le fait qu'ils ont démenti Nuh, ça sous-entend qu'ils ont démenti et mécru en tous les messagers et envoyés. En tous les prophètes et envoyés. Puisque Nuh a été envoyé à son peuple. Et lorsque son peuple l'ont démenti et ont mécru en lui, alors Allah Jalla wa Ala a dit كذبت قوم نوح المرسلين. Et on a aussi كذبت عاد المرسلين. On a aussi عاد, le peuple de عاد. Lorsqu'ils ont mécru en leur prophète, Allah Jalla wa Ala a dit عاد a mécru aux envoyés. Vous avez vu, les envoyés au pluriel. Et on a aussi كذبت ثمود المرسلين. Et Thamoud aussi, ont démenti les envoyés. Quand ils ont démenti et mécru à leurs prophètes. À leurs prophètes. Et aussi, كذبت قوم لوط ou قوم لوط المرسلين. Et Allah aussi, lorsqu'il parle de Lot et de son peuple, lorsqu'ils ont démenti et mécru en Lot, Allah Jalla wa Ala dit qu'ils ont mécru aux envoyés et aux messagers. Et كذلك Allah lorsqu'il nous parle de أصحاب الأيكة, أصحاب الأيكة, aussi Allah dit كذب أصحاب الأيكة المرسلين. أصحاب الأيكة aussi ces gens-là, lorsqu'ils ont démenti leurs prophètes, Allah dit qu'ils ont démenti et mécru en tous les prophètes et les envoyés. Et ça c'est des preuves. Si on vous demande, une personne veut embrasser l'islam, et lorsqu'une personne veut embrasser l'islam, lorsqu'on lui enseigne, et subhanallah, ça me fait penser, lorsqu'on parle d'une personne qui veut embrasser l'islam, sa mère fatwa, j'ai entendu une fatwa d'un grand savant, qui fait partie de l'ajnad da'ima, min hayat kibal al-ulama, qui fait partie des grands savants du royaume. Il dit qu'il a recherché une question, et il pensait que cette question, elle était théorique. C'est une question théorique. Or, ensuite, plus tard, il s'est rendu compte que fi'lan, que vraiment elle existe, cette question. Une personne, par exemple, qui aurait cru au message du prophète Mohammed, mais n'a pas, il croit en la ilaha illallah, il croit en Allah, il croit au message du prophète Mohammed, mais n'a pas prononcé shahadatain, ou shahadatain. Il n'a pas prononcé les deux attestations. C'est-à-dire, il a cru en la ilaha illallah, wa anna Muhammad al-Rasulullah, mais ne l'a pas prononcé. Alors, vous savez, les savants se sont on discute autour de cette question-là, et vous savez que les savants disent que lorsqu'on a la croyance, on doit inéluctablement prononcer. On doit prononcer. C'est-à-dire celui qui n'a pas prononcé n'a pas témoigné. Il n'a pas de témoignage. Sauf que ça, c'est d'une manière théorique. Donc on connaît d'une manière théorique hein, que celui qui n'a pas prononcé shahadatayn, madakhala fil islam. Il n'est pas rentré dans l'islam, et il n'a pas embrassé l'islam. Pourquoi ? Parce que pour embrasser l'islam, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut, comme on dit, shahad. Il faut témoigner. Le même cheikh dit donc que cette question théorique est claire, sauf que, au niveau du contexte réel, il dit un jour, un homme est venu lui poser une question. En lui disant, il y a un homme qui voulait embrasser l'islam et se convertir à l'islam. Lorsqu'ils sont partis voir un imam, pour que cet homme embrasse l'islam et se convertisse à l'islam, je ne me rappelle plus si c'était Salat al-Dhuhr ou l'Asr, sont partis pour Salat al-Dhuhr, si je ne me trompe pas, le Muhim. Et lorsque les gens ont ramené cet homme, pour qu'il se convertisse à l'islam, cette personne, l'imam, il était occupé. Il n'a pas pu, à ce moment-là, il n'a pas pu écouter cet homme et lui faire prononcer shahada. Donc ils disent qu'ensuite, il n'a pas pu, l'imam n'a pas pu lui faire prononcer, et ensuite ils sont repartis. Il leur a dit de revenir à la prochaine prière. Donc si je ne me trompe pas, c'était Salat al-Asr. De revenir à la prochaine prière. Sauf que l'homme qui voulait embrasser l'islam, lorsqu'il est sorti ensuite, il y a eu un accident, il est mort. Et il décéda. Donc, il n'a pas pu prononcer shahadatan. Là, la problématique, c'est quoi? Est-ce que cet homme meurt en tant que musulman, il est rentré, il a embrassé l'islam ou non? Pourquoi? Parce que la règle, c'est qu'il faut qu'il prononce ash-shahadatan. Or, il n'a pas prononcé. Mais il avait l'intention. C'est pour cela que les savants font le rappel que lorsqu'une personne va embrasser l'islam, juste les personnes qui l'avaient ramené chez cet imam auraient pu lui faire prononcer. C'était pas nécessaire ou obligatoire, impératif, qu'il prononce auprès de l'imam. Il aurait pu prononcer ash-shahada, shahadatayn, devant ses amis ou ses hommes qui l'ont rapporté. Mais il faut éviter de retarder la chose. Ce qu'on peut faire tout de suite, il faut éviter de retarder cette chose. Al-Murim, lorsqu'ils ont retardé la chose alors qu'ils ont pu lui faire prononcer, cet homme est décédé entre temps. Le Shir dit, la règle, c'est qu'il fallait prononcer. Donc, les règles qu'on applique dans cette vie d'ici-bas, c'est qu'on ne peut pas le considérer musulman. Par contre, par rapport à son intention, il voulait embrasser l'islam, par rapport à son intention devant Allah, Inch'Allah, qu'il est musulman. Mais regardez l'importance de la prononciation. Le fait qu'il n'a pas prononcé, le grand savant dire qu'on ne peut pas attester de l'islam de l'individu. Wadah al-Kalam. Et donc, on continuera dans le cours de demain, Inch'Allah, Wallahu A'lam. Wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك